Novembre est le mois du vendredi fou chez Dolbo Auto. Obtenez jusqu'à 9 000 $ en valeur totale sur les modèles 2018. De plus, bénéficiez d'un rabais de 1 000 $ sur le vendredi fou de Dolbo Auto au 1770 boulevard Wahlberg, Dolbo, Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0570. Monsieur Stéphane Fortin vous rappelle que d'acheter localement pour soutenir notre économie. On va parler de boxe, évidemment. C'est un gros week-end de boxe pour les amateurs. Jean Pascal qui va se battre contre Dimitri Bivol, c'est à Atlantic City. Question de savoir un peu comment il entrevoit ça. On parle avec notre ami Bernard Barry. Salut Bernard. Salut Danny. Bernard, c'est un gros combat. Écoute, Jean Pascal, 36 ans. Bivol, 10 ans de moins, 26 ans. Je pense que pour Bivol, lui c'est, il veut mettre un nom à son tableau de chasse. Puis Jean Pascal en est un bon, étant donné qu'il s'est battu 4 fois en championnat du monde. Ouais, ben c'est ça. Bivol était supposé se battre contre Joe Smith Jr., mais Joe Smith Jr. finalement a choisi la possibilité d'affronter Beterbiev. C'était plus intéressant pour lui financièrement. Donc à ce moment-là, Pascal devenait un candidat parfait pour Bivol, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, Bivol a besoin de notoriété. Il est en début de carrière, 14 victoires en 14 combats, 11 victoires par knockout. Dans ses gros noms, bien entendu, il a passé le knockout à Sullivan Barrera. Il a battu Isaac Chilamba facilement. Mais là, Jean Pascal, un ancien champion du monde, puis quelqu'un qui finalement est remonté à la surface avec sa victoire contre l'invaincu Albi Ali au mois de décembre. Mais ça sera bon à mettre sur son CV. Et il sait que ça crée de l'intérêt. Jean est bon pour ça, créer de l'intérêt. Lui, effectivement, là, tout le monde parle de ça. C'est un combat qui est important, qui est majeur. Mm. Et puis, c'est une chance inespérée pour Jean Pascal de mettre, et pas probablement sa dernière aussi, de mettre la main sur un titre de champion du monde. Donc, c'est un combat qui est très intéressant. Jean Pascal n'a rien à perdre là-dedans. Il n'y a pas grand monde qui donne des chances. Donc, ouais, tout a gagné. Et c'est plutôt Bivol qui a tout à perdre dans ce combat-là. Si, normalement, si, tu me l'as dit en dehors des ondes, puis tu viens de le dire, Jean-Pascal, honnêtement, il n'y a pas de grande chance de gagner contre Bivol. Écoute, c'est sûr qu'à la boxe, c'est toujours un coup de poing, là. Ça va être difficile, Danny. Bivol, là, il est très, très bon. Hein. C'est un boxeur de carrière, une belle carrière chez les amateurs. T'es champion de Russie, t'es champion du monde chez les boxeurs cadets, 15-16 ans. Champion du monde chez les juniors, 17 ans, 17, 18 ans. Et puis champion de Russie senior. Donc, il a gagné aussi des tournois internationaux. C'est un boxeur qui a fait ses classes et puis est arrivé chez les professionnels. Un boxeur talentueux. C'est un vrai de vrai. Le talent, il sort par les oreilles. Le gars, c'est facile pour lui, la boxe. Il se fait pas frapper souvent. Il cherche pas le trouble. Il est capable de gagner les rounds. Mm. Et on sait, Jean-Pascal, c'est notre expert. Ça, c'est notre expert voleur de rounds. Tout le monde le sait. Il reste 15 secondes. Oh, il va partir. Le round est chaud. Big bang, bing bang. Et souvent, il s'en sort pas pire avec ça. Mais pour voler des rounds, Danny, il faut que le round soit chaud. Et j'ai l'impression qu'avec Bivol va s'arranger justement pour le dominer techniquement. Écoute, si j'ai à analyser les avantages de Jean dans ce combat-là, il y a deux avantages qu'il faut regarder. Bien entendu, son expérience, sa grande expérience. Il va se battre à son 10e combat de championnat du monde. Donc, déjà, ça donne une bonne idée, contrairement à Bivol, là, qui est en début de carrière. Et surtout, le fait aussi que Jean est un gros milou. C'est un gros milou. Jean, là, il va peser 175, va embarquer sur le ring à 195 ou pas loin de ça. Alors que Bivol est considéré comme un petit. Il est grand, il mesure 6 pieds 1, mais c'est pas considéré comme un massif. Mm. Donc, c'est pas un gros poids lourd. Donc, il va avoir l'avantage du poids. Mais pour te servir de l'avantage de ton poids, il faut être capable, soit capable de t'approcher de lui puis de le brasser un peu. Mais Bivol a un bon jeu de pied. Il est capable, lui, de travailler à distance. Et aussi, quand il lance des coups, c'est un gars qui travaille, lance énormément de coups, travaille en combinaison quand il est en attaque. Donc, il va être tannant pour Jean. Là, Jean a besoin de se faire mal en contre-attaque parce que le combat va être long. OK. Et écoute, est-ce que l'expérience, parce que lui, Jean, c'est ça qu'il dit, l'expérience peut m'aider de ce combat-là. Il va assez d'expérience pour pas que ça lui nuise. Là. C'est pas un poulain de printemps non plus, là. Ah non, non, c'est ça. On parle d'expérience au niveau de la boxe professionnelle. Lui, c'est en début de carrière, il est en bas de 100, il est en bas de 100 rounds. Mais d'un autre côté, quand tu regardes sa longue carrière amateur, sa carrière amateur, le gars-là a toujours été dans les gymnases depuis qu'il a l'âge de 6 ans. Donc, il en a vu des Jean-Pascal dans sa carrière. Il est capable de s'organiser avec ça. Donc, oui, c'est un avantage compte tenu de l'impact. C'est pas tellement sur le ring comme tout ce qui tourne alentour. Là, la pression est là. Puis Bivol veut pas manquer son coup parce que là, lui, ses grosses bourses sont à venir. Alors que Jean, ben là, ses grosses bourses sont en arrière. Donc, la pression sur les épaules de Bivol, là, Jean et Stéphane Larouche n'ont absolument rien à perdre, ben, tout à gagner. OK. Dis-moi, tu vas y aller. C'est clair que tu y vas avec Dimitri Bivol pour remporter la victoire. Si Jean-Pascal... Ça me brise le cœur de dire ça, Danny. Moi, je rêverais, là. Dans mes rêves les plus fous, j'aurais même pas pu imaginer qu'un jour, on aurait l'opportunité de peut-être avoir 4 champions du monde chez les Mélos du Québec en même temps. Ça, il y a personne qui aurait pu penser à ça dans une couple d'années. Là, ça aurait été... on l'a renfermé. Donc, ça va arriver une fois dans une vie. On a cette opportunité-là. La boxe, tout peut arriver. On disait un peu la même chose d'Elaider Alvarez contre Sergey Kovalev. Il n'y a pas grand monde qui voyait Alvarez gagner. Puis pourtant, il nous a surpris. Donc, si un lapin sortait de son chapeau, c'est le temps. Puis c'est certain que si ça devait arriver, ben on fêtera ça tout le monde ici au Québec. Il arrive quoi avec Jean-Pascal s'il perd? Parce que là, Jean, rendu à 36 ans, quand t'es rendu à 36 ans, normalement, c'est que t'espères encore devenir champion du monde. Sinon, t'es un faire-valoir. Il y a des William Joppy je me rappelle très bien de William Joppy, je me rappelle de Tobella, et ainsi de suite, qui à un moment donné, à un certain âge, sont rendus des faire-valoir. C'est des anciens champions du monde qui servent justement à des Dimitri Bivol, là, exemple. Là. Oui, ben c'est ça, mais Jean n'est pas encore si vieux à cause qu'il est chez les Milos. Milo à 36 ans, t'es pas considéré comme un boxeur qui est vieux, si tu veux. Puis le fait qu'il y a 3 champions du monde actuellement qui sont du Québec, donc il y a un intérêt local qui est là, qui est intéressant. Donc, dépendamment de la défaite qu'il va subir, c'est certain s'il se fait manger tout rond, puis il en mange une maudite, là, ça devient pas intéressant pour les 3 autres champions d'aller tester ça, là. Mais s'il devait donner tout un combat, une bonne performance, combat excitant, même s'il gagne pas, mais là, à ce moment-là, il devient un boxeur intéressant pour les 3 autres qui vont pouvoir faire mieux que Bivol. Oui, effectivement. Parce que là, Dennis Stevenson, il a comme laissé entrevoir qu'enfin, il pourrait se battre contre Jean-Pascal. Ça, c'est peut-être 3 ans trop tard, mais ça pourrait être une possibilité parce que les gens rêvent de ce combat-là. Là. Ben, c'est certain qu'admettons que Pascal gagnerait. Puis là, on est sur un méchant nuage. Admettons que Pascal gagnerait. C'est sûr que ça sera tout un combat. Ça sera un naturel pour arriver avec une unification Stevenson-Pascal. T'sais, même dans nos rêves les plus fous, on n'aurait pas pu penser à une chose comme ça. Puis même si Stevenson a dit qu'il veut rien savoir, pendant la majorité de sa carrière, il a regardé Pascal de haut parce que Pascal le regardait de haut quand il était champion. Donc, les deux verraient un avantage financier énorme puis une possibilité de passer à l'histoire ici au Québec, là, dans un combat grandiose, là. Matt Pascal contre Stevenson, tu remplis le Centre Bell ou le Centre Vidéotron, bingo, là. Et puis, ça sera un combat très excitant. Donc, c'est certain que même si ça regarde de travers, si ça devait arriver, tu peux être sûr qu'à la table de négociation, avec tout l'argent qui reste sur la table, les deux s'entendraient, ça, il n'y aura pas de problème avec ça. Les deux ont beaucoup plus d'intérêt un envers l'autre qu'envers Beterbiev ou Alvarez. Ben, c'est effectivement, parce qu'il y a comme un passé entre les deux, là, puis je pense que ce serait quelque chose de bien. Penses-tu que, mettons que Adonis perdrait le 1er décembre, là, ça devient encore plus possible, parce qu'Adonis perd sa ceinture, mais il y aurait un méchant coup d'argent à faire, là. Oui, ça sera possible, mais c'est sûr que si tu enlèves les ceintures, tu t'enlèves un peu le flash là de ce combat-là. Là, tu sais, l'intérêt serait moindre, mais d'un autre côté, ça va toujours intéresser des gens parce que les deux s'étaient battus 2 fois en 2003. J'avais assisté à ces 2 combats-là. Championnat canadien et aux qualifications par la suite. Et les Pascal, à ce moment-là, avait beaucoup plus d'expérience en boxe olympique. Était déjà champion canadien, avait battu Stevenson par décision les 2 fois. Les 2 combats avaient été excitants. même dans le premier combat, les deux avaient visité le tapis. Donc, c'est certain que un combat entre ces deux-là, c'est sûr que s'il n'y a pas de ceinture en jeu, s'il n'y a pas d'unification, ça n'aura pas la même signification. Puis je ne sais pas jusqu'à quel point. Tu sais, les deux sont tellement dit qu'ils n'embarquera pas à un moment donné avec l'autre que s'il n'y a pas d'unification, ça va être difficile en maudit de les emmener sur le ring, là. Mm. Mais d'un autre côté, l'argent va être là. Ça, ouais, c'est certain. Il va avoir l'intérêt. Mais ces gars-là ont tellement connu des bosses millionnaires à quelque part. Ils peuvent pas embarquer ben pas en bas de ça s'ils acceptent de s'affronter après avoir été tout le long qu'ils voulaient pas se voir la face sur le ring. OK. Là, il y a Steven Butler également qui se bat en fin de semaine. Ouais, Steven Butler qui a un combat intéressant, un combat contre un Mexicain, Jesus Antonio Gutierrez. Et Gutierrez a une belle fiche, 25 victoires, 2 défaites, 2 combats nuls, 12 victoires par knockout. C'est un boxeur qui est très, très agressif. Son surnom, c'est La Hoya. C'est le bijou mexicain. C'est un boxeur qui est très, très, complètement à l'offensive. Et dans ses défaites, il avait perdu une décision serrée contre un boxeur qu'on connaît ici au Québec, Gabriel Rosado, un ancien adversaire de David Lemieux, un ancien aspirant mondial qui s'est battu en combat de championnat du monde. Il avait perdu en 2016 une décision serrée contre Rosado. Donc, ça donne déjà une idée de son calibre. Dans ses derniers combats, il a remporté une victoire l'an passé contre Ever Ramirez, qui avait une fiche de 8-0. Donc, il fait subir à Ramirez sa première défaite. C'est un boxeur, c'est certain. Si on regarde par son style, il est fait sur mesure pour Butler, parce que Butler ne sera pas obligé de courir après. Il va l'avoir en face. Gutierrez connaît pas d'autre façon de boxer que de se lancer en attaque, lancer énormément de coups. Donc, ça pourrait avantager Butler. On sait que Butler est un boxeur qui cogne dur, qui a des bons directs et surtout un bon uppercut de la manière. Fait que, tu sais, quand le boxeur avance tout le temps, à un moment donné, il penche la tête, patard, puis il se ramasse au tapis. Comme un peu on le fait avec Leonardo Turner. Donc, je sais pas, moi, d'après moi, Gutierrez va avoir beaucoup de difficultés à faire la limite contre Butler, même si dans ses deux défaites ont été par décision, n'a jamais été arrêté. Je pense que le défi est là. Mais pour Butler, là, il va falloir qu'il se fasse respecter au début parce que l'autre va chercher à ambitionner sur lui tout le temps. OK. C'est à Rimouski en fin de semaine. C'est sûr que c'est Off the Tiger qui est promoteur de la carte. Donc, tu n'es peut-être pas en mesure de savoir le nombre de billets vendus. Mais c'est en région. C'est pas mal le fun que les gens de Montréal pensent aux régions parce que normalement, c'est plutôt rare là, quand on pense aux régions. Là. Penses-tu qu'on. Ben là, c'est sûr qu'à Rimouski sont sûrement ennuyés de la boxe professionnelle parce que ça va être le premier gala de boxe professionnel à Rimouski depuis 50 ans. Le dernier était en 1968. OK, OK. Donc, c'est quoi, 5000 personnes à peu près qui peuvent rentrer là-bas? J'ai aucune idée. C'est le colisée de Rimouski ou l'équipe de hockey joue là, l'Océanique. Ouais, donc, c'est certain que de la place, il y en a en masse. Mais là, je ne sais pas jusqu'à quel point. Difficile pour moi, comme tu te dis. C'est pas tellement c'est Eye of the Tiger, puis deux, la billetterie, c'est pas mon dossier, puis ça le sera jamais. Ben ouais, c'est sûr. Hey Bernard, Oscar Rivas, on a appris cette semaine que lui aussi va se battre en combat de championnat du monde s'il gagne en fin de semaine, donc ça c'est une belle nouvelle pour Rivas. Penses-tu que lui a des bonnes chances? Oui, effectivement, là, ça serait tout un défi pour lui, parce que s'il gagne contre Maldonado, ça lui donnerait l'opportunité de se battre contre Brian Jennings. Brian Jennings, c'est une grosse pointure. Mais pour ça, avant, il faut qu'il batte Maldonado, qui est quand même invaincu à 26 combats. Il n'y a pas de grand nom sur sa fiche. Ouais. C'est un gars qui s'est fait beaucoup de MMA, là. Pas une grande carrière amateur au Brésil. On pense pas, c'est sûr, il faut pas sous-évaluer les adversaires, mais on pense pas que pour Rivas, ça doit être un problème. C'est certain que contre Brian Jennings, ben là, ça va être un peu plus compliqué. Jennings, il a 24 victoires, il a seulement 2 défaites. Il était arrêté juste une fois. Jennings, mais il était arrêté contre Vladimir Klitschko. Pas contre Vladimir Klitschko, mais contre Luis Ortiz. Luis Ortiz, le dur cogneur mexicain gaucher, cubain plutôt, gaucher. Et le combat précédent, il avait perdu, lui-là, en combat de championnat du monde unifié contre Vladimir Klitschko. Donc, une décision unanime, mais il avait gagné des rounds. Donc, c'est une grosse pointure dans la division. Et dernièrement, il a battu Alexander Dmitrienko, qui a une fiche de 41 victoires, 3 défaites, qui avait une fiche de 41 victoires, 3 défaites. Donc, ça donne une idée un peu du calibre. Il a aussi battu Mike Perez, le Cubain, qui était invaincu avec 20 victoires, aucune défaite, un combat nul. Donc, il y a des gros noms, ça affiche. Ça serait le défi là par excellence pour Oscar Rivas. Il est rendu là. Donc là, il faut pas que ça en fasse contre Maldonado, mais ça me surprendrait que ça arrive vrai. La confiance est là. Là. Je pense pas que ça soit dans la même ligue. Mais quand il va avec Brian Jennings, il va faire chaud dans les quatre cartes. OK. Ben Bernard, merci beaucoup. On va s'en reparler pas mal dans les prochaines semaines parce qu'il y a une carte en fin de semaine. La semaine prochaine, c'est à Dennis Stevenson. Et le 15 décembre, ben, c'est Gennady c'est Saul Alvarez qui va se battre pour la première fois sur DAZN. Donc, on va s'en reparler bientôt. Ça marche, Gianni. Bonne fin d'émission. Salut. Collègue Bernard